Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence sur Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, Blacko. C'est Planet Rap Blacko sur Skyrock. Pardon, excuse-moi Blacko. C'est la bise, la bise à Elodie, donc tu m'en veux pas. Non, pas de soucis, pas de soucis. C'est parti donc pour le Planet Rap, on est en direct comme chaque soir. Bienvenue à vous tous, bienvenue Blacko. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue Erise, comment va? En forme, ça y est, on est à 15 jours de la sortie parce que bêtement, je croyais que c'était la semaine prochaine. Non, mais non, faudra patienter encore un petit peu. Encore une petite semaine, ouais. Mais on peut déjà précommander en plus des morceaux en plus. Voilà, accroché à mes rêves, le temps est compté, que Dieu me pardonne et équilibre. Équilibre, voilà. Ça c'est les morceaux, vous précommandez l'album, vous avez ces 4 morceaux pour passer le week-end. Voilà, pour patienter. Pour patienter, bon. En toute détente et zénitude. En toute détente, en toute zénitude, c'est important surtout en ce moment. Toujours. Ce soir au programme, des extraits, beaucoup d'extraits. Ouais, des extraits encore, ouais. Bon, les extraits. Les, ceux qui ont raté. On sait jamais. Et voilà quoi. Et puis ce... peut-être un petit live aussi, peut-être, ouais, selon la vibe et tout. Dépendre. Ça tonne encore un peu. Si vous voulez entendre Blacko chanter, moi je dis envoyer un message. Voilà. En plus, si on freestyle, c'est rap et impro, donc voilà. C'est pour ça demande un peu de concentration et tout, tu vois, c'est du sans filet. Bon, nous allons être comme concentrés dirait, donc ce soir. Un célèbre Jaguar Gorgon, big up à lui, sans filet, papa. Et Jaguar, Joey Star qui est présent hein, d'ailleurs. Ouais, il est venu sur Dépasse tes limites pour animer le morceau et tout, parce que. C'est un des moments dans ma vie musicale rapologique que j'ai le plus kiffé, qu'on avait fait le titre BOSS avec Sniper. Exercice de style. Ouais. On lui avait demandé, on était dans le studio, à l'époque on avait un manager qui s'appelait Abibou, d'ailleurs big up à lui. Et on dit à Abibou, va demander à Joey s'il peut nous faire une ambiance sur notre morceau. Et au départ, il nous a tèche en l'air. Il a dit non, tout le monde se démerde. C'est étonnant. Chacun se débrouille avec sa propre griffe. Donc nous, c'est pas le genre en plus. Donc nous, on a continué à bosser le morceau. Et à la fin du morceau, bah, il est rentré tout seul dans la cabine. Et il est parti ambiancer notre morceau. On était comme des petits fous. On se jetait par terre dans le studio, c'était cool. Donc là, c'est un petit peu la boucle qui est bouclée, hein, puisqu'il vient de nouveau ambiancer sur ton album. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est vrai? Ouais, bah déjà sur scène. Dans le rap, il y a deux groupes qui m'en ont mis plein la vue, c'est NTM. Et NTM surtout avec Joey, la puissance qu'il a sur scène. Et Saiyan Supacro aussi, j'aimais bien sur scène. Donc voilà, c'est bah, c'est des belles références hein, parce que c'est sur scène. Ouais, sur scène, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des trucs comme ça, autant travailler ou avec autant d'énergie. Donc voilà, moi c'est ce genre de vibe qui m'a donné envie d'aller plus loin et d'avancer quoi encore. Et bon, on continuera à parler ce soir aussi de cet album qui sort donc le 6 novembre, à pas louper. Est disponible dès maintenant. Et disponible dès maintenant en précommande. Bravo Erai, c'était important de le préciser. Moi, la petite remarque. Et on va débuter tout de suite avec un petit rappel de ce qui s'est passé durant cette semaine. On a compilé un petit peu tous les lives que tu as pu faire très rapide. C'est le replay de la semaine. Écoutez avec Blacko. Lego. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne l'envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire sans Planet Rap. C'est pas prévu, c'est sans filet. Original Blacko, Easy Kenanga, Planet Rap, yeah. C'est pour nos guerriers, c'est pour nos soldats. Même sans papier, sans stylo, moi je viens chanter ça. Un accord de guitare et je suis tipa. T'as reconnu la voix, mais dis dai dai dai là-bas. Même si ça bug, c'est pas grave, je vais me relancer. T'inquiète, il fallait un peu de vibe dans le rap français. Je vois que tout le monde avance avec les sourcils français. Détendez-vous, voici un peu de reggae. Pour nos soldats qui charbonnent tous les jours. Ceux qui se lèvent le matin mais qui le font par amour. Et le baume au cœur. On éduque les petits frères et sœurs. Planet Rap. Follow me, if you're ready. Tout le monde peut en faire partie. Les hommes et les femmes, les grands et les petits. On combat sur différents champs de bataille. Le secret de nos succès reste le travail. Vaille que vaille, où qu'on aille. If you're really ready to fight, get ready to go. Aïe, aïe, aïe, me say aïe, aïe. Planet Rap. Au positif, faire passer le message, car c'est important. Au positif, you see. On chante pour les futures générations. Pour positiver. Every time, every day. Dans ces temps de crise, regarde. Pour positiver. Blacko Lion Bird, Easy Kenanga Street. Planet Rap. Vie ne tient qu'à un fil sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre.

Équilibre, c'est voilà, extrait. Pour calmer tous les gens tendus. Et il y en a. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Quand je vois vers chez moi les petits du quartier et tout ça, c'est un peu. Voilà. Donc moi j'essaie de vrai avec ma plume pour ceux qui veulent. Après ceux qui veulent pas, ils prennent mon oiseau, ils les tirent dessus. Ping. C'est fini, ils tombent. Mais pour ceux qui veulent l'écouter chanter, il est hop, là pour ça. Ils peuvent le choper. Voilà. Hop, ils chopent l'oiseau. Ils peuvent écouter son chant tranquillement. Ils peuvent écouter son chant tranquillement, ouais. Voilà. Voilà, toujours aussi un petit coucou au 9-5, puisque toi tu viens du 9-5, c'est vrai. Ouais, toujours, hein, Deuil-Montmagny, le même coin. Voilà. On n'a pas bougé, Saint-Brice, Daumont, big up à tous les gens par là-bas. 9-5 Zoo, yeah, big up. Avec Blacko, notre invité, je rappelle aussi le numéro de téléphone pour la dernière fois aujourd'hui. Ouais. Après, tu me le refileras et je. Ah, je voulais le garder. Non, non. 06, mais en plus, t'as vu, il s'éteint tout le temps. J'ai tellement d'appels que. 06 71 74 84 15 pour joindre Blacko ce voilà, soir. Voilà, c'est ça. Dans un instant, d'ailleurs, on fera un petit point, puisqu'on te l'a pris le téléphone et on a chopé 2-3 messages sur les répondeurs. Ouais. Sur le répondeur, des messages qui ont été laissés. Donc on écoutera ces messages. Ah ouais, ok, ça marche. Je savais pas qu'on avait fait ça en loose. Ah non, je savais pas. Et bon, on l'a fait, on pourrait. Cachotier. Bah attends, il y a quelqu'un là. Tiens, ah, tu veux prendre quelqu'un? Bah vas-y, Blacko. Un petit peu de force, un petit peu. Ah, un disque d'or, jamais. Un disque de platine. Allô, bonsoir. Voir un disque de diamant, qui sait. Oh là, comment tu. Allô. Attends, il faut qu'il coupe sa radio. Coupe un tout petit peu. Coupe ta radio ou baisse un peu la radio. Voilà, baisse un peu la radio. Ah, elle est là ou même? Elle est là ou même? Comment ça va? Je suis traducteur. Ah, ben ça a coupé. Oui, rappelle à nous. Je suis un traducteur. T'es traducteur réunionnais officiel. Traducteur du 974. Ça va, on est là, et toi? Et après. Mais big up à où, le frère? Ça a coupé. Big up à où, hein? Eh ben, une grosse dédicace. Donc 06 71 74 84 15 pour joindre Blacko. Exactement. On écoute juste avant, de passer au répondeur un autre morceau, Blacko. Ouais. Le mur du silence, c'est parti. C'est ce que j'avais prévu, mais on peut mettre autre chose. Ouais, non, le mur du silence, c'est très bien. Le mur du silence, c'est une très bonne idée. On y va maintenant. Ça sort le 6 novembre. Écoutez ça. Je ne sais plus comment faire. Je n'ai que 8 ans. Et mes parents se séparent. Je suis mon père ou ma mère, c'est pas évident, non. Moi je ne suis qu'un enfant. Si je pouvais faire en sorte qu'ils restent ensemble. Et là j'ai bien peur que l'un et l'autre n'éprouvent plus de sentiments. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu. Papa est parti. Est-ce que c'est de ma faute? Les questions me tourmentent sans répit. J'ai plus envie de jouer dans la cour. Même les profs ne m'entendent pas crier au secours. Est-ce que c'est de ma faute? Maman me dit ne pleure pas, tu comprendras un jour. Moi qui croyais que toute la vie ils resteraient ensemble. Parfois je me demande si à leurs yeux mon avis compte vraiment. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier, allez, mais personne ne m'entend. À cause du mur du silence, je ne suis qu'un enfant. J'essaie de comprendre le monde des grands. Je suis assis devant le mur du silence. Devant le mur du silence. Est-ce que mon avis compte ou pas? Je perds mes repères, je ne comprends pas. Ils veulent refaire leur vie, quitte à refaire la mienne. Ils n'écoutent que leur envie, moi je voudrais tant que papa revienne. Ils m'expliquent qu'ils ne s'aiment plus. Je souris mais je me sens perdu. Est-ce que c'est de ma faute? Maman me dit ne pleure pas, tu comprendras un jour. Si je pouvais faire en sorte qu'ils restent ensemble. Et là j'ai bien peur que l'un et l'autre n'éprouvent plus de sentiments. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier. d'une séparation ou d'un divorce. Dans le mur du silence. Yes, I am. Ça s'appelle le mur du silence. C'est ça, le mur du silence. C'est un extrait de cet album qui sortira le 6 novembre avec Blacko, notre invité toute la semaine. Voilà. Parlons un petit peu justement de l'avenir, Blacko. De l'avenir, c'est quoi? C'est la tournée avant tout. Il y a la tournée, ouais, qui se met en place avec les musiciens. Mmh. Et après. Et après, alors. Si ça fonctionne. Et alors bien, après. Un deuxième album. Que va-t-il se passer après? Ah, c'est le suspense. Ça, c'est pas un truc que tu calcules. Non, ouais, moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai un titre qui s'appelle Je vis au jour le jour, et c'est exactement ça. Demain, si ça doit continuer, tant mieux. Si ça s'arrête, tant pis. Mais c'est comme ça, on verra. Après, c'est le public qui décide s'il a envie que tu continues. C'est eux qui t'envoient la force pour ça, quoi. Donc, c'est eux qui décident. Mais t'as encore des ressources, t'as encore envie d'écrire, t'as encore envie de chanter. Mais oui, mais ça, c'est jusqu'à la fin, ça. Ça, ouais, quoi qu'il arrive. Même quand je serai vieux et denté, si Dieu me fait envie jusque-là, je chanterai encore. Ça, ouais, tu continueras, quoi qu'il arrive. Ouais, depuis que je suis petit, c'est une passion, tu vois. C'est devenu mon métier, mais je reste passionné avant tout, quand même. Mmh. Voilà. Ouais, il y a toujours ça, même malgré. Mais c'est vrai, on l'a dit, il y a eu quand même pas mal d'épreuves, notamment quand t'as découvert un petit peu l'industrie musicale. Ouais. Où ça a été des choses. C'est là, on se rend compte que c'est pas. Voilà, que. C'était un rêve d'enfant, mais ça devient cauchemardesque un petit peu. Quand on voit qu'il y en a, ils ont juste faim d'argent et pas trop de musique. Et voilà, quoi, ça sème des troubles et des bazars, et on se finit par se retrouver au tribunal. Et... Ça, t'aurais jamais pu penser quand tu commençais la musique. Carrément, la musique. Ah non. Tu peux t'emmener au tribunal pour question de contrat, de machin. Non, surtout, personne qui pense à ça. Ah non, tu penses pas à ça du tout. Mais bon, ça fait partie de ce truc-là. Hein. Bon, là, ça t'empêche pas, en tout cas. Là, ça sort le 6 novembre, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Ce sera dans les bacs, ouais, et puis le 6 novembre, ce sera aussi à la Cigale sur scène. Voilà. Donc, venez nombreux à la Cigale, rendez-vous à la Cigale. Paris, le 13 novembre au Havre, le 20 novembre à Beauvais, le 21 à Nancy, 28 à Oigny, le 3 décembre, c'est à Lyon, le 4 à Esch-sur-Alzette, donc c'est donc bien au Luxembourg. Hein. Voilà. Exactement. Une destination que connaît très bien Rise. Contre toute attente. Le 11 décembre, ce sera Angers, le 12 décembre à Rennes, le 18 à Istres, le 22 janvier à Lausanne, le 29 à Chambon-Feugerolles. Et puis d'autres dates aussi en 2016, justement. Voilà, il y aura des festivals aussi l'été qui vont se programmer, je pense. On laisse faire, on laisse mijoter et on verra bien. On va écouter ce que les gens t'ont laissé comme message sur le répondeur. Allez, c'est parti. Tu es prêt? On a filé un numéro de téléphone depuis lundi. Numéro de téléphone de Planète Rap pour joindre les artistes en direct. Mais quand vous ne pouvez pas les joindre, il y a le répondeur. Vous laissez des messages et ça donne ça. Et c'est parti. Oui, allô, Blacko, si c'est toi, franchement, ta musique, elle est trop bien. Tout le monde aime dans ma famille, c'est super, continue comme ça. Oui, salam alaikum Blacko, ben écoute, je m'appelle Fatima, je suis Toulouse. Je t'écoute là sur Skyrock, je voulais te dire que ce que tu fais, c'est une tuerie. On est là, toutes les sœurs au quartier, tous les frères, on est là, on t'écoute. De Toulouse, on t'écoute. Gros bisous, frère. Yo, Blacko, elle représente la Réunion, écoute, franchement, depuis que tu as commencé la musique, je te suis à fond. Donc vas-y, continue, envoie-nous du lourd encore. Big up 974. Ouais, Blacko, écoute, simplement pour te passer le bonsoir, voilà, avec un élan de positivité qui fait du bien et un discours positif, voilà. Donc continue à véhiculer un message éducatif au travers de ce média qui est le hip-hop, qui est le rap. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Je vous écoute, là, je suis dans la voiture, je sors du boulot. Et puis je voulais vous dire que je vous écoute souvent. J'ai beau avoir un certain âge, parce que j'ai 58 ans, mais je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup votre mentalité. Oh Blacko, moi je t'écoute là. Je t'appelle Damien du vidéo. Il faut décrocher, faut me rappeler comme ça. Je veux vous en jaillir, je suis trop chaud. Faut me rappeler sur mon numéro là. Je vais vous en jaillir, je suis trop chaud, je vais vous faire rigoler. Même les auditeurs là, ils vont essayer de t'aider par rapport à moi. Il faut me rappeler. Fin de nouveau message. Ah ben voilà, on a tout eu, des plus jeunes à des plus vieux. Voilà, il y avait un super disque de platine là-dedans encore. Ah là, il y avait jamais entendu ça, c'est parce que les jeunes, bon, des fois ils suivent les mouvances, tout ça, tu vois, les trucs qui marchent, mais quand c'est une personne de plus de 40, 50 qui s'intéresse à ma musique, tu sais, ça me fait me questionner en fait. Je demande à la personne qu'est-ce qui vous a parlé dans ma musique en fait. Et quand c'est le cœur qui retrouve dedans, bah voilà, je suis honoré moi. Tu le vois même par rapport aux gens qui viennent te voir en concert, c'est il y a des tranches d'âge différentes, il y a de tout. Il y a des gens voilà. Je cible pas que la street ou non, c'est tout le monde. La musique, elle est faite pour être entendue par tout le monde. Et c'est mes récompenses quand je vois qu'il y a un petit 7 ans, il aime bien, 17 ans, il aime bien, 27 ans aussi, 37, 47, 57. Donc ouais, voilà. Tu ne mets pas de limite, tu dis pas il y a un moment ouais, non, moi je chante pour tout le monde, pour ceux qui veulent entendre et écouter, voilà. Bon, on a vu même 88 ans, t'as là. Il y avait un message, ma mamie de 80 ans aime bien tes. Quoi? C'est ce genre de message, moi, qui me met bien. Je suis quand même inquiet de plus en plus sur cette émission. Sur cette émission, mamie, quand même. Big up, mamie. on te fait une dédicace. Ben ouais. On te fait une dédicace. Calme-toi, voilà. Mamie. Laisse-la, elle aime bien la voix. Je sais pas, Rice, tu veux déclencher un truc comme ça. Non, il n'y a aucun problème. Je vois très bien, mamie. Bon, et pour tous les gens qui se posent la question sur le cure-dent, je dis ça parce que j'ai eu des messages. Ouais, ben ouais, j'ai pour ceux qui matent les images, il y a plein de gens qui disent mais pourquoi il a tout le temps un cure-dent? Et c'est vrai que tu l'as eu toute la semaine, le cure-dent. Ouais, ben c'est un toc en fait. J'ai un toc. Donc rassurez-vous, c'est pas. C'est un toc, c'est un toc familial. Mon papa, il est souvent avec une allumette, un petit bâton, un truc comme ça. Et inconsciemment, bizarrement, je fais pareil. Mais ce que tu me dis, c'est que même sur scène. Ouais, je l'ai aussi, ouais. Sur scène. T'as jamais avalé le cure-dent? Non. Pendant mes photos. Techniques aussi. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas t'arracher. Ah, tu vas commencer à chanter équilibre. Non, non, c'est l'habitude. Je jouais même au basket comme ça. T'es fou, toi? Ouais, c'est un toc familial. Bon, voilà, donc rassurez-vous, tout va bien, c'est pas un style, c'est pas un conseil marketing, tu ne vends pas les cure-dents Blacko encore. Ah, on allait sortir une marque de cure-dents, justement, qui s'appelle Curing. Non, je rigole. Curing. Non, je rigole. C'est un simple toc, voilà. Ouais, c'est un petit toc. C'est rien de bien grave. Ouais, voilà. Rien de grave. Dans un instant, on va revenir sur Skyrock, on mettra un morceau. Petite préférence, moi j'avais SOS sur ma fiche, mais peut-être que. Moi j'aimerais bien remettre ma reine, moi. Ma reine ? Ouais, ouais. Très bien. S'il est quelque part dans un coin, là. Très bien. Donc ma reine, bah oui, il est dans un coin, on l'écoutera dans un instant. On fera tourner aussi la roulette dans quelques minutes, ce sera d'ici une petite demi-heure, mais inscrivez-vous dès maintenant, envoyez un message au 41759. 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. La roulette qui tournera avec des places pour aller voir Youssoufa en tournée, c'est lequel qui sonne? Ça, c'est un autre. C'est mon cousin. Il sait très bien que je suis en pleine émission de radio. Le cousin, éteins ton téléphone. Il est bête celui-là. Et bougez pas, on revient dans un instant avec Blacko sur Skyrock, le record de Planète Rap. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planète Rap reçoit Blacko. C'est Blacko, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. On est là. Des extraits de l'album à découvrir ce soir encore. Voilà. On avait dit juste avant la pub, donc un morceau qui est important, c'est un morceau qui s'appelle Ma Reine. Ouais, Ma Reine, c'est un hommage à ma maman qui est partie en 2012. Un morceau qui avait touché beaucoup de monde hein, quand on l'a ouais, joué cette semaine. Ouais. Et en fait, c'était assez personnel, mais je me suis dit, ça peut aider d'autres personnes à se retrouver dedans et voilà quoi. Ça peut être Ma Reine, Mon Roi, Mon Prince, Mon Prince, princesse. Voilà, même mon arrière. Enfin, pour les ma grand reine, c'est les grands mamies, tout ça. C'est important quoi. Et bon, on va écouter pour ceux qui sont partis. Ce morceau, si vous ne connaissez pas encore, c'est extrait de Dualité. Dualité, ça sort le 6 novembre. Pour tous les gens qui ont perdu un proche. Yeah. Pour ma reine, un chant d'amour et de peine. Elle s'en est allée depuis, plus rien ne va, mon cœur saigne. Son absence me fait mal et la tristesse me tourmente. Je ne sais plus où j'en suis. Maman, tu me manques. Tu es partie si tôt, j'aurais tant aimé que tu vois tes petits-enfants grandir et rire autour de toi. Je leur parlerai d'une femme courageuse et exemplaire, afin que mes petites jeunes soient aussi fortes que leur grand-mère. Tu gardais le sourire malgré la maladie. Tu as rejoint les anges dans les jardins du paradis. Tu es restée forte pour nous préserver. Jusqu'à la fin, tu as voulu nous protéger. Et puis tu es partie rejoindre le ciel. Notre amour est plus fort que la mort, il est éternel. Alors je suis sûr qu'on se reverra et que je pourrai encore te serrer dans mes bras. Maman, je sais que tu es là quelque part. Je sais que tu m'entends et que tu peux me voir. Écoute mon poème. Ma reine, mon cœur veut chanter pour toi. Depuis que tu es partie, ça n'est plus pareil. Il manque le plus joli rayon à mon soleil. Maman, je t'aime. Je ne t'oublie pas. Maman, je sais que tu es là près de moi. Tu es l'ange gardien qui veille sur moi. Mon être est déchiré depuis ton départ. Difficile, oui, dur de te dire au revoir. Je garde nos souvenirs au fond de mon cœur. Je ferai tout pour que tu sois fier, je te ferai honneur. Apprendrai à mes filles à être aussi forte que toi. Tu continues de vivre à travers elle, à travers moi. Je suis persuadé qu'un jour je te retrouverai. Si seulement juste un instant le ciel pouvait remonter le temps et que je redevienne enfant. Oui, juste une seconde auprès de toi, maman. Tu es le plus joli souvenir que possède ma mémoire. Tu feras toujours partie de mon histoire. Tu seras avec moi où que j'aille, où que je sois. Petite maman, je pense à toi. Maman, je sais que tu es là quelque part. Je sais que tu m'entends et que tu peux me voir. Écoute mon poème. Ma reine, mon cœur veut chanter pour toi. Depuis que tu es parti, ça n'est plus pareil. Il manque le plus joli rayon à mon soleil. Maman, je t'aime, je ne t'oublie pas. Ma reine est partie, elle a rejoint les cieux. Oui, le ciel a repris la prunelle de mes yeux. Mon cœur est malade et la pleure dans ses louanges. Ma reine s'en est allée, elle a rejoint les anges. Que ton âme repose en paix, maman, je te promets. Tu seras toujours la première dame de mon palais. Tu m'as donné la vie, tu t'es toujours battue pour moi. Je te remercie, j'ai tant de respect pour toi. Maman, tu me manques, je ne t'oublie pas. Tu sais, tu feras toujours partie de ma vie. Maman, tu me manques, souvent je pense à toi. Jolie reine, tu es partie. Maman, je sais que tu es là quelque part. Je sais que tu m'entends et que tu peux me voir. Écoute mon poème, ma reine, mon cœur veut chanter pour toi. Depuis que tu es partie, ça n'est plus pareil. Il manque le plus joli rayon à mon soleil. Maman, je t'aime, je ne t'oublie pas. Ils sont toujours là à côté de nous. Ouais, suffit juste d'y croire. You see me? L'amour est plus fort que la mort à toutes les personnes qui ont perdu un proche. Yeah. Eh, eh, eh, on ne vous oublie pas. Wow! Morceau qui s'appelle Marraine de Blacko. C'est ça. Le 6 novembre dans les bacs. Y a pas loupé. Déjà en précommande, on peut y aller. Il y a voilà. Des morceaux en plus. Allez-y, cliquez, cliquez. De la bonne vibe, de la bonne humeur et de la zénitude. C'est le slogan de l'album. C'est le slogan. C'est le slogan d'album. Ouais. 6 novembre, la journée de la zénitude, grâce voilà. À toi. Ah, peut-être ça va se faire après. Ça serait bien, hein. Ça serait pas mal. Journée de la sortie de l'album Dualité, journée de la zénitude. On sera tous bien le 6 novembre. Et puis voilà. D'ici là, on précommande dès maintenant. N'hésitez pas à aller récupérer cet album de Blacko. On écoutera encore un extrait. Ok. Peut-être live, peut-être pas live. Peut-être... Ouais, allez, un petit live, des petites intros à la volée, comme ça. C'est un truc que j'aime bien faire, mais c'est une prise de risque, tu vois, parce que. C'est un mot freestyle, nous à l'époque on disait freestyle, on faisait un texte ou deux et après tu te débrouilles un peu comme dans ta cuisine. Tu vois, tu dis bon, il reste un peu de farine, 2-3 œufs, on va faire quelque chose. Et donc moi ce que j'aime bien c'est, il va me mettre des instrus et je pars sans filer, sans rien de prévu quoi. T'as connu toi aussi, t'as fait des scènes ouvertes justement, un peu ce côté... Impro tout ça. Impro. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc que j'affectionne beaucoup, j'ai beaucoup suivi des gars comme Bustaflex, Oxy. C'est un truc qui m'a toujours plu dans le rap. Je préfère même rapper en impro que écrire du rap en fait. Parce que moi-même après quand je suis stupéfait par mes impros tout seul en fait. Tu vois, ça me c'est ça vrai qu'en impro il est chaud. Et on a pu le voir d'ailleurs cette semaine. Et c'est surtout quelque chose qui ne ment pas. Parce que si t'as rien à dire, ça sortira pas. Tu vois, sur un papier, tu peux réfléchir à la maison, essayer de. D'avoir quelques bases au moins. Mais que ça sorte tout de suite, et voilà. Et c'est aussi une manière de montrer aux jeunes qu'il y a des rappeurs, sans citer de nom bien sûr, ils écrivent des textes à la maison très sagement et en réfléchissant, ils arrivent à écrire des trucs un peu, on va pas dire des gros mots, mais des trucs un peu, voilà. Et en improvisation, t'arrives à construire des choses alors que t'as pas le temps de réfléchir. Donc c'est pour leur montrer que ça existe de la réflexion dans la musique quand même un petit peu aujourd'hui. Chose en voie de disparition. C'est des choses que t'as quand même testé toi dans ta carrière, justement de te mettre juste avec le son en cabine et d'essayer de faire de l'impro sur certains morceaux. Et puis t'en as gardé des choses pour des morceaux. En fait c'est comme ça que je fais. Enfin pas dans la cabine mais on se met dans le studio, ouais. On fait tourner la prod et j'improvise. Et après je retiens le meilleur et je me dis tiens je vais garder ce petit passage là. Je bidouille mon truc. C'est ta petite cuisine. Voilà, c'est la petite cuisine. C'est ça, c'est ce que tu disais. Voilà, c'est exactement c'est pour ça. Pour les recettes. Exactement. Tiens, en parlant de recettes, je te présente Kéfir de Saint-Etienne. Il est fort, Kéfir, il vient souvent rapper dans l'émission. Kéfir, oui, parce que toi aussi, tu fais du rap aussi, Kéfir, et donc forcément, t'as ta petite recette à toi. Oui, je fais du rap. Du côté de Saint-Etienne. Yes, du côté de Saint-Etienne, je suis bien content d'avoir Blacko au téléphone. Parce que je kiffe vraiment et depuis l'époque, moi j'aimais bien un groupe qui s'appelait M Group d'ailleurs. Eh ouais, Ah ouais, ça c'était jadis. Du coup, je me rappelle d'un morceau que vous aviez fait avec plein de roulements dessus, ça rappait mais vraiment à l'ancienne. Et je pense que si le son ressort maintenant avec une musicalité un peu plus actuelle, je suis sûr que ça cartonnerait parce que ça tuait tellement il y avait des roulements dans ce morceau. Ouais, c'était la jeunesse, on avait encore la fougue et tout ça. ouais, c'était mortel. Après, bien sûr, Blacko, je connais parce que sur tous les morceaux où il y avait des trucs genre Sachons dire non, tous les morceaux où c'était super long avec Princesse Agnès. Ouais, ouais. Citoyen, hip-hop, un truc comme ça. tous les morceaux, ils étaient longs. T'es sûr qu'il y avait Blacko qui allait arriver avec son refrain, tout ça. Mais bien sûr, moi, mais bien, ça tue, ça tue. Et moi, bien sûr, il y a Première Classe, ouais, honnêtement. Ouais. Ça tue avec Scalo, Prodige. D'ailleurs, je suis même plus dit, rappe encore, les gars. Si, Prodige, il rappe encore Scalo aussi, je pense. D'ailleurs, big up à eux dans le 9-5 par là-bas. Bang. D'accord. Et BioSS, bien sûr. Pour une fois, c'est Joe Star qui ouvre le bal et pas toi, parce que sur le morceau de Première Classe, c'est toi qui ouvrais le bal, ouais, je me rappelle. Ouais, ouais. Original, non, je me rappelle ouais, plus. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, Kéfir, il est chaud, il connaît tout. Bah là, c'est à ton tour maintenant. De froid, c'est ouais, ça. Je vais essayer. Bah, tu sais quoi, je voulais balancer un texte, mais je me suis dit, il parlait d'impro juste avant, je vais essayer de faire une impro. Bon, ben, je te promets voilà, pas le carnage. Ah, ça c'est bon ça. Sans rien, sans filet, sans rien, Kéfir. Sans filet, sans rien, je vais essayer. Eh bah écoute, on balance instru. Quand tu veux, Kéfir, c'est parti. Là, ça va être rigolo. T'inquiète pas. Non, tu vas gérer. Yo, 1-1, KFYR en direct de Skyrock. Yo, 1, Blacko. Yo, c'est en 1996, âgé de 17 ans, que j'ai eu cette envie de prendre mon mic. Yo, KFYR, je rappe sans conscience. J'arrive ici, je prends le microphone en pure improvisation. Je m'en fous, je fais de l'insouciance. Moi, je pars en pure improvisation, tu sais que je suis pas immense. Yo, je rappe pas avec véhémence. KFYR arrive ici, faut pas que je planche. Même si mon microphone restera une page blanche. Je fais pas du son pour que tu remues les hanches. Yo, je remue les manches. On est vendredi et bientôt dimanche. KFYR rap ici, mon rap, mon flow est étanche. Yo, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Je suis pas une gourmande. Même si on parle de recettes, yo, je suis pas une normande. Yo, KFYR pars en pure improvisation. Je vais me placer et personne pourra me remplacer ou me déclasser. Je pars en improvisation, je vais pas m'embarrasser à sortir un texte parce qu'il sera pas dans le contexte. J'en place une pour Frédérico. Et mec, même si je vais me ramasser en pur impro, yo, je sors les crocs, KFYR, yo, c'est le putain de un pico, yo, j'allais pas dire d'insulte, mais c'est KFYR qui arrive ici, mec, je suis pas un culte, yo, mon accent va se constituer, tu sais que je peux me ponctuer, KFYR c'est un habitué de planète rap, moi j'arrive ici, je passerai pas à la trappe, je suis comme Kevin Trapp, yo, KFYR, yo, mec, je rappe même si c'est orageux, je m'en bats les steaks, mec, même si c'est ombrageux, KFYR, pour en improvisation, c'est courageux, je trouve, mais bon, je serai jamais outrageux. Yo, je rappe ici, je reste dans le jeu. KFYR, même si c'est neigeux, il pleut ici à Saint-Étienne. Mec, c'est à la tienne. Mon pote, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je rappe pour les tiens et les miennes. Yo, tu sais que je suis soigneux. Yo, je rappe pas en improvisation. Je sais pas qu'est-ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave, je suis comme le mythe de Sisyphe. KFYR arrive ici et est décisif. Cette rime, je l'ai fait pour un texte. KFYR, je fais pas de l'athlétisme. Mon pote, j'arrive ici. M6, ce que je fais, c'est du surréalisme. Pas du royalisme. KFYR, allez, boum, j'en place une pour le socialisme. KFYR est contre toutes sortes de terrorisme. Yo, yo, voilà. Ok, voilà. Bah voilà l'exercice. Sans filet, c'est ça que moi sans j'aime filet. Bien ça. Tu vois? Bah écoute, parce que ça demande une petite maîtrise de soi et c'est ça qui est bon. Ça va, Kéfir? Big up, Kéfir. Ça va? T'es content? Tout va bien? T'as géré? Franchement, j'ai essayé. Non, t'as géré, t'as pas essayé, tu l'as fait. On sait que tu es fort, Kéfir. D'ailleurs, tu viendras te rattraper une prochaine fois aussi, n'hésite pas. Me rattraper, ouais. Yes. Mais non, c'était bien, t'étais dedans. T'inquiète pas, c'était bon, Kéfir. Ceux qui veulent me retrouver, et pas en impro, hein, je vous éviterai ce carnage, c'est KEFYR. KEFYR sur Facebook, Instagram et tralala. Tralala aussi, ouais, c'est très voilà, bien ce site. C'est pas mal, tralala.com. Le tralala.com, c'est un super site, ouais. Merci à toi, Kéfir. Bah, merci Kéfir. À vous et Blacko, bon courage pour ton. Merci ton à toi, frère. Merci, frère. Petite dédicace à passer, Kéfir, non Petite dédicace à Anouk qui doit m'écouter chez elle. Voilà. Et bah, bisous, Anouk. Merci à toi, Kéfir. Yes. Big up. Ciao. Le Planète Rap continue. On met un morceau, on passe au live ouais. après. Ouais, vas-y, comme ça, j'aurais on fait bien, comme ça. J'aurais bien mis. C'est lequel déjà? Les bons amis, là. Ah ouais, tu veux celui-là? Rares sont les vrais amis. Rares sont les vrais amis. Bah, vas-y, c'est pour faire plaisir. Donc, le choix de Erise. Voilà. Ouais. Voilà. Ça, pourquoi en particulier de... Non, parce que ça, c'est pour tout le monde, ça. Ah, voilà. Les vrais amis, frère. Croyez-moi. Donc si vous en avez des vrais, préservez-les bien et détectez les faux et foutez ça à la poubelle. Rares sont les vrais amis, c'est ce qu'on écoute maintenant. Blacko Dualité. Lego, ça arrive le 6 novembre. Rares sont les vrais amis, bien dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. s'est donné. Assez pour ton fait ta vie, trace ta route, viens pas me parasiter. Avoir ailleurs, si j'y suis, moi y'a rien à gratter. Ouais. Prends la vie, c'est un peu chacun pour sa gueule. Dans les moments difficiles, on se retrouve bien souvent seul. Rares sont les vrais amis sur lesquels on peut compter. Rares sont ceux qui ne te laisseront jamais tomber. Entre ceux qui gravitent juste par intérêt. Ils vont mal parler quand tu auras le dos tourné. Difficile de faire le prix mais au final le temps le fait. Je croyais en l'amitié mais la vicieuse m'a tant bluffé. Oh oh oh. Rares sont les vrais amis. Y'a dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. Souvent se cache un ennemi. La confiance aveugle, c'est bon j'ai assez donné. Vas-y pour ton fait ta vie. Trace ta route, viens pas me parasiter. Avoir ailleurs si j'y suis ou ailleurs rien à gratter. Des sourires au cœur noir. Méfie-toi des masques qui t'empêcheront de voir. Il est vrai que les vrais amis se comptent sur les doigts. Le pouce ou le majeur, dis-moi qui marche avec toi. J'ai croisé des loups, pas mal de morpions. J'ai croisé des serpents, écrasé des scorpions. Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Avec le temps, crois-moi, j'ai appris à sélectionner. J'ai dû filtrer, j'ai dû faire le tri. J'ai ouvert les yeux, maman, j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'une meute, juste ma poignée d'amis. Dans la vie, beaucoup de connaissances, mais que connaissent vraiment ta vie. Tu as compris, rares sont les vrais amis. Y'a dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. Souvent se cache un ennemi, la confiance aveugle. C'est bon, j'ai assez donné. Vas-y pour ton fric ta vie. Allez, ta route, viens pas me parasiter. Si j'y suis, moi y'a rien à gratter. Ouais. Méfie-toi des sourires au cœur noir. Méfie-toi des masques qui t'empêcheront de voir. Il est vrai que les vrais amis se comptent sur les doigts. Le pouce ou le majeur, dis-moi qui marche avec toi. Rares sont les vrais amis. Y'a dans les pires moments qu'on voit qui sont les vrais. Souvent se cache un ennemi. La confiance aveugle, c'est bon, j'ai assez donné. Vas-y pour ton fric ta vie. Trace ta route, viens pas me parasiter. A voir ailleurs si j'y suis, ou ouais, y'a rien à gratter. Ouais. Le 6 novembre. Oh yeah, eh, eh, eh. Dualité. Oh oh oh. Ah oui. Blacko avec nous, rares sont les vrais amis, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Voilà, donc on s'entoure de vraies personnes. Et comme ça on avance mieux. Et ça avance mieux. Voilà, exactement. Est-ce que Rise est prêt? Rise, Rise, est-ce que pour tu le freestyle sans filet. Freestyle sans filet, hein. Aïe, aïe, sans filet. Hein. Ah ouais, il est prêt, il est chaud. Il a mis le signal d'alerte là. Crois-moi que je suis chaud. T'es chaud? Crois-moi que je suis chaud. Bon, alors c'est à moi d'être chaud maintenant. Ah. Eh ben, on va. Allez, je t'envoie cette merde. Allez, on voit ça. Sans filet. Ah. Parce que ça chante et des fois ça rappe. Ah. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Ton rap game a trop mal, je crois. J'entends des gens qui écrivent que des merdes et des blatères, ça sur les petits frères. Tu croyais que j'allais rien faire, frelon? Crois-moi, je vais partir en guerre. Avec ma conscience et mon cœur, c'est comme ça même que je prends de la hauteur. J'ai vu tous ces charlatans, je vais leur faire passer un fucking mauvais quart d'heure. Alors c'est quoi texte-té, hein? Tu me parles que d'ego trip? Allez, allez, trace vite ta route. Oh, je vais te montrer vite fait, tu flippes. J'écris, j'écris même pas. Juste j'improvise, je vise ceux qui m'aiment pas. Eh, hey, t'as compris ce que je fais en impro? Moi je fonce comme Usain Bolt, tu m'arrêtes pas. Eh hey, petit frère, écoute bien. Ne les laisse pas t'ensorceler. Te raconter de la merde, te dire qu'il faut aller braquer et tirer. Oh! Ton papa, il en pense quoi de toutes ces merdes? L'instru s'est arrêté. Passe-moi en une autre. Allez, Lego, freestyle pagaille. Freestyle pagaille. Wouh! Y'a du monde par là ou pas? Voilà, merci, un peu d'enjaillement. Je disais. Petit frère, te laisse pas engrainer. Y'a autre chose à faire dans. C'est Blacko qui dit ça. C'est Blacko qui dit ça. Oh, oh. J'ai 37 piges. Normal, faut que j'agisse en grand ref. Tu veux que fasse quoi? Que je te parle de Kalashnikov et de grosse œuf? J'ai pas que ça à faire, frère. J'essaie de trouver dans ma tue. future idée. J'entends ces petits cons qui racontent que de la merde, ça finit par m'irriter. D'ailleurs, le game, je ne joue pas, j'ai pas dans la wesh, je reste moi-même. Ouais, j'avance avec mes amis, mes proches. Ouais, c'est comme ça, ça pose pas de problème. Hey, même si ça bug un peu, c'est pas grave, c'est qu'une impro et la thèse coachée. BLACKO, y'a pas de problème, rebondis comme un ricochet. Rise, fais-moi des breaks, que je kick ça mieux, que je parle aussi haut tu peux. Tomber tes pas dans le piège, dans la trappe, on peut faire quelque chose de mieux. Si tu veux rapper ta colère, parle-moi de l'histoire de ton repère, de son histoire au bled, t'as compris frère. Doucement, doucement, doucement, doucement, doucement. Et moi c'est comme ça que je fais, je m'en fous d'être validé par un lycée ou un quartier, je suis validé par mon repère. Je regarde droit dans les yeux, devant lui je peux rapper. Ouais, et aussi je n'ai pas honte de parler de Dieu. Je les entends tous chanter la colère, je les entends tous chanter le seum. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes fiers de faire la même devant votre homme? Oh, ça j'en doute bien fort, ouais, ça j'en doute bien fort. Ça boit fort mais ça ne mord pas, ah, ça on le sait, tout le monde est d'accord. Faut... T'en as une autre? Il en a une autre, allez. Ah voilà, ouais aussi, ça c'est bon ça. Hé, hey. Sans papier, sans putain de crayon. Ok, écoute. Y'a du monde ou pas? Y'a du monde ou pas? Ok, ok, on y va. Comment je suis libre? Ok, hey, balance le son que je lui rentre dedans. Pas de problème, je lui gouache sa gueule, je lui fais perdre dedans. Improvisation, je vais pas perdre de temps, hein. Je vais arriver direct, je vais lui rentrer dedans, oh. C'est ce que j'aime faire, moi, depuis que je suis type. Je peux vous clasher de qui, toi et même toute ton équipe. Allez, sauf qui peut, voici le BLA, c'est KO. T'inquiète, au microphone, il est toujours orageux. Le watt pour les rageux, ouais, je l'ai bien levé. D'ailleurs, tu peux t'asseoir dessus, bien dressé. Hey, Rise, fais-moi un petit break. Que je kick et que je chante comme ça, mec. Wayo, vas-y, vas-y, reviens, reviens, reviens, reviens. Mets-moi le son que je kick ça. Hey, mets-moi le son que je kick ça. Ok. Oh, oh, oh. Hey, aujourd'hui, le rap, c'est quoi? Par un concours d'insultes. J'entends des gens qui passent pour des incultes. Plus, plus, plus, plus. Tirer sur qui? Tu racontes que de la merde et tu fais quoi aux petits? Tu les envoies au charbon, tu les envoies droit dans le mur. Je n'y crains pas toi, ni un cassage de figure. Je crains plus haut, je crains les hautes sphères. C'est pour ça que si tu viens, je te jure, je me laisserai pas faire. Rise et mixe-moi ça encore, j'ai pas fini. Improvisation, t'inquiète, je te jure que c'est pas fini. Ça sort de mon esprit et ça ne t'arrête pas. Je vois un tas d'MC qui se la pète pas. J'ai pas le temps pour ça, moi. Je veux rester moi-même. Je resterai pour trait devant tous les gens que j'aime. Quand je suis devant, je te jure que c'est le car qui parle. Ouais, y'a pas de problème, frère, le car qui parle. Hey, freestyle improvisation, je viens chanter. Rap ou reggae, t'inquiète, je vais m'enclencher. Moi, je chante toujours avec sincérité. Et s'il faut parfois, on va user un peu de sévérité. C'est mérité, claque dans le rap français. J'entends que de la merde qui est déblatérée. Oh, les fondations, ils veulent les enterrer. 2015-2016, t'inquiète, on est préparé. Ah, on va pas leur laisser la place. Hey, non, non, t'inquiète, elles ne font pas ma glace. Hey, elle est éternelle comme les neiges. Pas de problème, malgré même mon corps tout léger. J'kick, j'kick et j'maîtrise. Y'a pas de problème, j'prends le mic, j'électrise. Hey, j'balance des mots à la volée comme un ciseau, 10 bras. Pas de problème, ben là c'est KO, dressé comme un cobra. Hey, mais t'inquiète. Ah ok, tu veux un petit son à l'ancienne? Ah oui. Ah ouais, ah ouais, d'accord. On finit avec ça, on finit. Allez, avec on, ça. Y, on finit avec ça. Hey, car il faut chanter. Jeunesse, arrêtez de les inciter. Oh oh oh oh. Imagine, hein, imagine bien ça. Oh, imagine que t'as un petit ref et qu'il a que 16 ans. Tu crois qu'il est à l'école, mais il est en haut d'un bâtiment. Avec une cagoule sur la tête en train de bicrave. Est-ce que tu penses que maintenant cela te nave ou pas? Moi je serais énervé, frère, je continuerai à militer. Parce que j'ai plus le temps, ils m'ont irrité. Frère, il faut se battre pour la jeunesse. Parce que ça part trop, frère, en n'importe quoi, en scène de liesse. Fatigué, je le suis. C'est pour ça que je sens mon calibre vocal de l'étui. Oh, et je chanterai jour et nuit. Je ne m'arrêterai pas, non, je ferai mon bruit. Yeah, je suis un reggae man soldat. Moi, je chante pas comme toi. Et je chante pour mes valeurs. Je chante ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et je les entends tous faire les gros bras. Raconter que de la merde. Et moi, je me colle pas sur ça. Et tu penses impressionner qui? Pas moi, frelon. Direct, je t'avertis. Ça prend que sur les petits, dans les cours des garderies. Mais quand je t'écoute, rappeur à la noix, tu me fais gaulerie. Pas besoin d'écrire pour te dire ça, ça sort du cœur. Oh, oh, eh, eh, eh, une petite vibe avant de s'en aller. Eh, Blanco ce soir il vient chanter. Eh, un peu de rap, un peu de reggae. Eh, pour calmer les gens qui sont énervés. Eh, eh, B6 c'est le thermostat. Il est temps de rapper et de faire un constat. Hey, hey, arrêtez de souiller la jeunesse, arrêtez de souiller la jeunesse. Hey, hey, petit frère, petite sœur, oh oh, écoute ce que Blacko vient chanter pour toi. Tu sais que t'as le choix, hey, ne te laisse pas embarquer dans n'importe quoi. Rends fier ta maman, rends fier ton papa, le tchèque carré, tout ça, on s'en bat les noix. Oh oh, yeah, oh, yeah. C'est ça, oh, freestyle, bagaille, on calme. Improvisation! Yes, à l'instant. Voilà ce qu'on avait envie de dire aux gens, tu vois, un peu comme ça, dans le bang, tranquillement. Bon. Voilà. Terrible. Saut sans filet. Pour conclure cette semaine avec voilà. Blacko en live. Toujours avec autant de plaisir. Et Ryzé, toujours autant de plaisir, même à kicker ou chanter Blacko. Ah ouais, toujours, moi j'aime toujours. Ça. T'aimes toujours. Ça? Tu vas voir, ça transpire, c'est, ça y est, c'est que c'est ah bon. Ouais, c'est... On aime toujours donc ça. Donc allez le voir en concert, parce qu'il y a des moments d'impro, tu m'as dit aussi. Sur, toujours, ouais, sur, j'appelle sur... ça les mails. Je reçois des mails sur scène, et en fait, c'est des trucs qui tombent direct dans ma tête et que je sors sur l'instant comme ça. Le public qui me suit, il connaît ce genre de procédé. Donc allez voir à partir du 6 novembre. 6 novembre, à la Cigale, pas oublié. Yes, I. Toutes les autres dates aussi sur les réseaux voilà, sociaux. Voilà, Blacko officiel partout, Twitter, Facebook et compagnie. Avant de se quitter, messieurs, quel est le dernier morceau de cette semaine? Ryzé, je te laisse. C'est lequel qu'on n'a pas joué là? Bah, il y avait SOS. SOS, qu'on n'a pas mis encore. En ces temps de crise. SOS. Et avant, je voudrais faire une petite dédicace vite fait. Mais vas-y, mon Ryzé. Tu vois, Asdin, tous les clés sous bois, 7-8, la Dareuse, Jonathan, Virgile de Montreuil, tu connais, Bardis, Sidi, 9-3, Bakar, Cam, Dareu, Bim Bim, Vesti, le 7-8, Sultan, Bardis, Diazi, Cantis Record et tous ceux qui me connaissent, big up à vous. Big up. Merci ah ouais, à toi. Ah ouais, moi j'ai une dédicace, Ryzé. Ah ouais? Une dédicace pour ta matière et tout, pour ces bons petits plats. Ah, aussi la daronne. Oui, dédicace. Tu n'allais quand même pas oublier la daronne. Dédicace aussi pour le cous qui est là, Greg, Pacho, le Bessé, toute la famille qui est venue. La Bardiscience. Voilà, la Bardiscience. On est là. Allez, dernier SOS lancé par Blacko maintenant. Et big up Daily Prod aussi. Big up pour le travail. Samir Merza, tu connais déjà. Sorti le 6 novembre dans les bacs. 6 novembre, dualité. Yeah. Pour tous mes enfants du soleil. C'est ça. Je garde espoir, j'ai envie d'y croire. Et toi? Et toi? À l'instant, donc ce morceau SOS pour conclure cette semaine. Merci pour la placo. Belle semaine, bel album. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Sky pour l'accueil et tout. Loupez pas, c'est le 6 novembre. 6 novembre, pas oublié. Et la cigale le soir même. Et la cigale, et puis le Havre, Beauvais, Nancy, Oigny, Lyon, Esch-sur-Alzette. Le célèbre. Le célèbre Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Voilà. Angers, Rennes, Istres, Lausanne, et puis plein d'autres dates. Allez suivre Blacko un peu. C'est Blacko officiel. Blacko officiel, Twitter, Insta, Facebook, tout. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. C'est parti. Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Youssoupha. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. Clément, comment ça va Clément? Ça va bien et vous l'étiez? À Chalon-sur-Saône, salut Clément. Très bien avec Blacko. Ça va bien Blacko? Ça va et toi Clément? Bien, bien, tranquille, la forme. Yes, cool. Bon, tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Y'a pas de soucis. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Autre artiste positif sur scène aussi, c'est Youssoupha. Loupez pas Youssoupha. Big up Youssoupha. Près de chez vous. En tournée et... Ah! Et... Eh ben c'est Youssoupha, c'est les deux places de concert et les fringues aussi, what the fuck. Avec voilà. T-shirt, ouais, casquette et le boxer pour toi qui arrive à la maison à Chalon-sur-Saône. Merci l'équipe. Eh ben merci à toi Clément. Et gros big up à Blacko. Hein. Merci Clément, big up à toi frère. C'est rien, t'inquiète. Yes, I am, big up. Big up. Hein. Oh, on continue, on lâche pas. On est l'aventure continue. Voilà, et continuera. Ciao, et bah tiens, il passe près de chez toi au Transborder à Lyon le 3 décembre, Blacko. Si t'es dans le coin, loupe pas le dualité tour. Merci à Clément, merci vraiment Blacko. Petit dernier message, petite dernière dédicace. Ouais, deux, trois petites dédicaces. J'ai une petite dédicace à faire à tout le secteur d'Oeil-Montmagny. On va pas passer des noms, sinon ça va être trop long. Sinon ça va être compliqué. Mourad, l'équipe de Fitness Park à Saint-Brice, c'est là où on va un peu s'entraîner. Ah. Big up tout le monde là-bas. Okay. Et voilà, et big up tous les gens qui sont venus là aussi ce soir. Big up de Matisse aussi, moi dans ta face. Ah, tu crois que big up à Matisse. Merci à vous en tout cas pour cette belle semaine. On va retrouver D-Fool maintenant. Eh bien oui, on est là pour la dernière de la semaine. Tu n'es pas dans ta voiture D-Fool? Non, non. Vu, exceptionnel. Fous-toi notre gueule. On est parti ce matin à 9h. Ouais, c'est ça. Ce matin on s'est dit allez. Après le morning, ils sont passés me prendre et puis hop là. Et ça y est, on arrive. Et ça y est, vous êtes là. T'as vu un peu, on a pu profiter de Skyrock toute la journée, du Planète Rap avec Blacko, c'était très bien. Merci Blacko, merci Fredo. Yes, big up. Et ce soir minuit, Fred, la nocturne n'a pas loupé. Ah ouais, pas loupé. Bah tiens, justement, on parlait de Youssoupha, il y a SP qui est sur scène avec Youssoupha et SP. Il vient nous présenter son projet pendant une heure là tout à l'heure à partir de minuit. Donc ça n'a pas loupé ça. Donc loupez pas. Je note. Donc minuit, juste après la radio libre. En gros, vous écoutez la radio libre toute la soirée. Voilà. Et à minuit, vous ne louperez pas le Planète Rap, enfin la nocturne. De ce. Pour bien commencer le week-end ou continuer les vacances. Voilà. Exactement. C'est ça. Eh ben merci Blacko, merci pour cette semaine. Big up, big up. Semaine prochaine dans Planète Rap. C'est Niro qui débarque dans Planète Rap. Le retour de Niro dans Planète Rap, 20h-21h. Eh bien on sera là aussi Fred. Ben j'espère bien. On est là tout le temps, là je passe Skyrock. Et vous êtes là vous aussi, ben allez-y, hein, 01 53 40 30 20. C'est le numéro que vous pouvez faire tout au long de la soirée pour débarquer avec nous. Le 41 759, le Skyrock.fm, l'appli Skyrock, tous les réseaux sociaux. Vous faites tout péter dès maintenant. Puis dans on un instant là. On se retrouve en direct et on va démarrer avec ceux qui étaient avec nous hier soir dans la radio. L'émission sympa. Les frangins. Comme tu le dis, Fredo, les R-City. Yeah. Ouais, les deux frangins qu'on va retrouver, deux frangins des îles Vierges. On s'est bien marré avec eux, Romano a fait une version exceptionnelle. Oui, magnifique. On écoutera peut-être un bout d'ailleurs dans la soirée. Et on va démarrer avec les deux frangins, R-City, ceux qui ont bossé avec Beyoncé, avec Rihanna, avec Nicki Minaj. R-City, donc les frangins, plus Adam Levine. Romano a fait Adam Levine hier, c'est super. On se fait Locked Away. Ah oui, vous imaginez quand même. Ah, bah évidemment. Et ouais. Et c'est le son qui arrive tout de suite. Et puis vous arrivez juste derrière avec nous jusqu'à minuit. Bonne soirée qui sera bonne, on va la passer ensemble. C'est parti, salut Fred. À toutes, ciao. À toutes. Ciao. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est dans le...